c'est le moment de retourner. De retourner au matin. C'est ça qu'on va faire, là. Le matin. Tu sais, comme là, on est en après-midi, ça va. Ok, cool. Mais le matin, il y a une émission, tu sais. Ah, c'est fou. Qui s'appelle Assemblage requis. Et voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 13 avril 2015. La raison qu'on arrive en retard un petit peu, c'est un dégât d'eau. Et étrangement, le prérequis juste avant nous a terminé avec la chanson du plombier magique de Bruno Blanchet. C'était parfait. Bruno, là, il est sur la coche, toujours sur la nouvelle. Où il t'observe, où il se passe quelque chose. Et on a rétroactivement préparé un prérequis qui avait rapport avec ça exact. À cause de ça. On est vraiment c'est comme... les Illuminati. Des... Oui. Bon matin. Les notes salées. Oui, en effet. Toi, c'est quelqu'un qui liche des chips salinés. Qui liche des chips. Salomé Leclerc. Ben oui. Mettre les choses au clair, tu sais comment on dit. C'est plus tout c'est moins drôle en onde aussi, ça n'y a comme pas de lien. Ça a l'air pratiqué, puis c'est pas vraiment de. En tout cas. Ouais, faut qu'on soit spontané. On la refera tantôt. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais un pain à l'ail, ça fait bien le travail. Du lance-slogan. Ça serait tellement un slogan. Tu une merde, ça veut rien dire. Dempsters. Un pain à l'ail, ça fait bien le travail. Purity Ring et Push-Pull à Assemblage requis. Maintenant, tiens, on a eu beau le repousser. Push. Ouais, il ouais. Nous retire vers lui. Pull. Comme un petit... il a couvé une chronique poule. Comme une poule. Push-pull. Donc, c'est David Ferron que voici avec les notes salées. Le chlorure de sodium est un composé chimique ionique de formule NaCl. On l'appelle plus communément sel de table ou sel de cuisine ou tout simplement sel dans le langage courant. Le 4 mains notes, c'est David Ferron. Bonjour. Vous aurez la suite des informations à la prochaine chronique. Part 2. Des animateurs experts et expertes comme vous. Experte de conscience comme perte de conscience. Alors, pendant qu'on s'est tiré. Jeu de mots, yeah, merci. Qui a écrit On ne badine pas avec l'amour, je m'en rappelle plus. Cégep pas est genre trop loin. Molière ou je sais non. pas, mais c'est. Alfred de Musset. Ah, oui, il y a l'émission aussi sur un gars qui fait du meth, là, on a Breaking Badin pas avec l'amour. Oh. Breaking Bad. Oh, bien. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 14 avril 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. How are you doing? Oh non, pas en anglais, tu sais, je peux pas. Excuse-moi, je voulais pas te faire ça à 7h35 le matin. C'est quoi le mets préféré d'une sage-femme, mettons? Le placenta. Non, ah, ça c'est drôle, par exemple. Non, c'est du poulet, tu comme un sage-femme. T'es dans mes niaiseux. Mais je sais pas. Très, très stagnant. OK. Tu sais, comme je prends mon steak, le stagnant. Pas ton steak stagnant. C'est ça, c'est température pièce sur une tablette pendant une semaine. Si un jour tu demandes ça à un serveur, je veux être là. J'ai bien hâte de voir sa réaction. Tu me surprends. Ouais, c'est perturbant, le père turbant. Ça, c'est le fils turbant puis t'as le père. Okay. Le fils du père turbant, il s'appelle comment? T'as pas de réponse? Tu peux juste dire j'ai pas de réponse en ce temps-là? C'est le jeu, c'est d'habitude, c'est de dire je sais pas. Je sais pas. Okay. Enfin. C'est un turban en main. Son fils est un turban en main. Le fils du père turban. T'as non, on laisse faire? Est-ce qu'on aurait dû pas faire en tout cas. Dylan, Ethan, Aspen et Craig se connaissent depuis l'enfance. Et juste moi avec Aspen me viennent tellement comme il y en a plein. Là, Aspen. Il va finir en prison, Aspen pénitentiaire. Ah. Mettons. Puis fesse stylo. Aspen. Ouais. Fesse stylo. Justement, tu parles de fesses, il se penche, là, mais qui sait au pénitencier. Faire attention. Faut pas faire des blagues de viol, là, mais un savon est si vite échappé. La dinde était aussi reconnue comme étant belle que le pan et le cygne, et on la retrouvait dans les jardins des grands rois et tout ça. Là. Oui, c'était exotique. Cool. Et, Mais c'est depuis ce temps-là, dinde. Fait bonus, depuis ce temps-là qu'on célèbre le jour d'indépendance. Le jour d'indépendance. Oh! peuvent pas être dans l'armée s'ils ont des odeurs corporelles. Ça, puis les pieds plats, hein, même combo. Ça tient pas. Mais comme ils mangent beaucoup de sushis puis de poissons, ça coupe les odeurs corporelles. Ah, parlant de sushi, savais-tu que tu peux te mettre du riz en dessous des bras puis ça absorbe? On appelle ça du risotto. Ça, je voulais faire comme jeu de mots, mais finalement, ça, je l'ai mal sorti pas mal. Celui qui sent bon parce qu'il sent fraîchement le boisé qu'il a. Il sent les pinettes. Les pinettes. Pas les pinottes! Ah, ok, parce que je suis allergique. Non, c'est pas vrai. C'est de retour à la chronique du club plein air et QTR avec Charles-Antoine Rioux. Une espèce de boire de pinottes sous les bras. C'est très efficace. Ça, c'est viande et substitut de bras. Elle était bonne, merci. Celle-là. C'est apprécié, merci. C'est une idée originale de Dan Fogelman. Fogelman? Fogelman. Fogelman. Fogelman. Toi qui es. Fogelman. Qui est Pogliotte. Pogliotte. C'est pas lui qui écrivait à la presse, Pogliotte. Pogliotte. C'est Dan Fogelman, exactement, oui. Donc. Pogliotte. Avec des. À Cuba, si je me rappelle bien, il y avait eu des tremblements de terre, non, plutôt des ouragans. Cause humanitaire, on a permis des médicaments et des produits alimentaires de rentrer au pays. Y aurait-tu leur dire, l'ouragan est passé par les États-Unis, on n'a pas le droit de la faire rentrer à Cuba, là. Ah, c'est ça, genre, exactement. Oui. Tu choisis ton camp, hein, l'ouragan. C'est ça. Allô? T'es de quel bord, là? À un moment donné. Je ris pas. Ouais. On va mettre un mur de Berlin. Oui, c'est ça. Devant l'ouragan. Un mur de Berlingo. T'as le droit d'importer de la nourriture à Cuba. Excellente blague. Merci. Où est le point de rencontre, tu penses, des Cubains à l'UQTR, tu penses? Ouais, là, c'est un peu facile. Ouais, je sais. Au cube? Ouais, au cube. Okay. Je savais que t'en trouverais drôle pareil. C'est facile, j'avais pas le choix. J'essaie de trouver, non, y a pas de... Non, y a rien de plus sombre. Y a pas de salon de cigares, je sais pas. Non, mais par contre, quel est le nouveau surnom maintenant de Barack Obama maintenant qu'il a accepté la gomme? C'est trop facile, je sais qu'ils sont faciles. Vas-y. C'est Barack Obama. Barack Obama. Doctrine Monroe, qui est dans le fond un ancien président des États-Unis, que sa doctrine c'était « Nous sommes les États-Unis, nous sommes en fait Américains et nous allons prouver que l'Amérique va être unie. » Donc c'était vraiment du nir, c'est pour ça qu'il tentait d'envahir le Canada, d'envahir le Mexique. Doctrine Monroe, c'est la sœur de Marilyn, je veux dire. Ah ouais, c'est ça. Doctrine et Marilyn. Happy birthday, Mr. Castro. C'était presque seulement des calembours dans ce montage d'un instant classique. Assemblage Rocky du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. C'est la dernière semaine, la semaine prochaine. Ouais, je pense à ça. Je viens de penser au fait qu'on est toujours à une semaine de délai. Donc ça, c'était la semaine du 13 avril 2015. La semaine prochaine, on jouera les meilleurs moments de la semaine du 20 avril. Mais la semaine du 27 avril, elle, quand va-t-elle avoir ses meilleurs moments? J'en ai aucune idée. Écoutez, Assemblage Rocky, donc du lundi au jeudi à 6h30. Stéphanie Paradis et moi-même, pour encore une dernière semaine, on termine le... Je crois que c'est 30 avril, exactement. 30 avril, dans le cas horaire du matin.